Salut les filles. Ta peau, vous la martyrisez. Oh. Non, ça va, t'inquiète pas. Elle a une place. En sucre. Une place enviée par 99% des femmes bah de France. Ah ouais, c'est ça, je suis entourée par et vous. Donc du monde en plus. Ah bah évidemment. Bah ouais. Elle est entourée de beauté. Et oui, 98% des extraterrestres également aimeraient être à la